L'archange Zadkiel, miséricorde divine et transformation spirituelle. Découvrez la puissance du pardon et de la transformation avec l'archange Zadkiel. Qui est l'archange Zadkiel? L'archange Zadkiel, dont le nom signifie « droiture de Dieu », est reconnu comme l'ange de la miséricorde, du pardon et de la transformation spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, Zadkiel est associé à la compassion, à la libération émotionnelle et à l'alchimie spirituelle. Il est souvent représenté avec une aura violette, symbolisant la transmutation et la purification spirituelle. Zadkiel est considéré comme le gardien de la flamme violette, un outil puissant de transformation et de purification dans de nombreuses pratiques spirituelles. Son énergie est invoquée pour faciliter le pardon de soi et des autres, pour transmuter les énergies négatives en positives et pour soutenir la mémoire et la concentration. Il aide également à libérer les blocages émotionnels et à favoriser une évolution spirituelle profonde. Les rôles et attributs de l'archange Zadkiel. Ange de la miséricorde et du pardon, Zadkiel nous aide à pardonner et à trouver la compassion. Maître de la transformation, il nous guide dans la transmutation des énergies négatives. Gardien de la flamme violette, Zadkiel nous aide à purifier et à élever notre vibration spirituelle. Soutien de la mémoire et de la concentration, il améliore nos facultés mentales et notre clarté d'esprit. Facilitateur de libération émotionnelle, Zadkiel nous aide à lâcher prise sur les émotions négatives. Guide de l'évolution spirituelle, il nous soutient dans notre parcours d'éveil et de croissance spirituelle. Comment invoquer l'archange Zadkiel ? Pour invoquer la présence transformatrice de l'archange Zadkiel, vous pouvez utiliser la prière, la méditation ou simplement lui parler dans vos pensées. Voici une prière simple que vous pouvez adapter. Archange Zadkiel, ange de la miséricorde divine et de la transformation, je fais appel à votre présence bienveillante. Enveloppez-moi de votre flamme violette purificatrice. Guidez-moi vers le pardon, envers moi-même et envers les autres. Aidez-moi à transmuter mes émotions négatives et à élever ma conscience spirituelle. Je vous remercie pour votre compassion et votre guidance dans mon processus de transformation. Amen. Souvenez-vous que l'ouverture de votre cœur et la sincérité de votre intention sont plus importantes que les mots exacts utilisés. Signe de la présence de l'archange Zadkiel. Voici quelques signes qui peuvent indiquer la présence ou l'influence de l'archange Zadkiel dans votre vie. Une sensation de légèreté ou de libération après avoir pardonné ou lâché prise. La vue de lumière ou d'étincelles violettes. Un sentiment soudain de compassion envers vous-même ou les autres. Une amélioration inattendue de la mémoire ou de la concentration. Des insights profonds sur des situations émotionnellement chargées. Une transformation rapide d'émotions négatives en positives. Des rêves ou des visions impliquant des thèmes de pardon ou de transformation. Conclusion. L'archange Zadkiel, dans son rôle d'ange de la miséricorde et de la transformation, nous rappelle le pouvoir libérateur du pardon et de la transmutation spirituelle. En nous connectant à son énergie, nous pouvons accéder à une source inépuisable de compassion et de renouveau, transformant non seulement nos propres vies, mais aussi celles des personnes qui nous entourent. Que vous cherchiez à pardonner, à vous libérer d'émotions négatives ou à élever votre conscience spirituelle, l'archange Zadkiel est là pour vous guider et vous soutenir avec sa flamme violette purificatrice. N'oubliez pas que la véritable transformation commence par l'acceptation et le pardon, et que l'énergie de Zadkiel peut vous aider à ouvrir votre cœur à cette puissante alchimie spirituelle. Partagez votre expérience. Avez-vous déjà ressenti la présence transformatrice de l'archange Zadkiel dans votre vie ? Nous aimerions entendre votre histoire. Partagez votre expérience ci-dessous.